Gérard, Gérard, passe-moi le tournevis, s'il te plaît. Oui, papa. Merci. J'y arriverai jamais. Alors, oui, c'est... Oh non, non, écoutez, ça c'est trop drôle. Mais vous vous êtes entendus tous les deux. Pourquoi dis-tu ça? Moi, j'ai pas fait attention. Tu sais ce que tu sifflotais, toi? Oh non, je crois bien que je l'ai fait inconsciemment. Eh bien, Gérard s'est mis à fredonner du Mozart et tu lui as fait un accompagnement. Du Mozart? C'était purement machinal. Je pensais complètement à autre chose. Ne me dis pas que Gérard aussi pensait à autre chose. Il nous a habitués à une musique un peu plus frénétique. Mais c'est vrai, ça. Mais, au fait, où as-tu appris cette musique? Ça alors, j'en sais rien. C'est au concert que j'ai dû entendre ce truc-là. Allons, dis pas ce truc-là. La musique de Mozart mérite plus de respect. Oh, moi, tu sais... je sais, oui, je sais qu'il t'a suffi de l'entendre une fois pour la retenir. Ce qui prouve qu'elle te plaisait. Même si tu ne t'es pas rendu compte exactement du plaisir que tu éprouvais. Comment est-ce que ça s'appelle? Ah, ça c'est la petite musique de nuit de Mozart. Hein? Qu'est-ce que tu en penses du titre? C'est joli, non? Tu trouves pas? Tiens, j'ai un bon enregistrement. Tu veux que je t'en fasse entendre un fragment? Je veux bien essayer. Joli. Comment il était, Mozart? Eh bien, il était petit. Il portait une perruque poudrée. Et quand il était enfant, il avait des habits de soie brodés. C'était un cadeau de l'impératrice Marie-Thérèse. S'il portait une perruque poudrée, c'est qu'il vivait du temps de Louis XV? Mais du temps de Louis XVI aussi. Et puis, il ne faut pas oublier Rousseau, Voltaire, Watteau. Watteau, c'est un général? Non, un peintre. Et maman trouve que ce tableau ressemble à la musique de Mozart. Dis, papa, Mozart, il est né où? Eh bien, il est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, en Autriche. C'est une ravissante petite ville nichée à flanc de montagne, dominée par un château fort. J'aime les châteaux forts. J'aimerais bien être un chevalier du Moyen-Âge. Oh, c'est un peu tard, mon vieux. Non, écoute plutôt ce que je te raconte. Salzbourg, donc, a des rues biscornues avec de vieilles maisons jaunes, roses ou vert pâle, avec de jolies enseignes en fer forgé, de belles églises et le palais du prince archevêque. Comment était son prénom? Wolfgang Amadeus. Tu sais, j'ai visité sa maison natale. Oui, j'ai vu la galerie où il a dû souvent jouer et tomber, car il y a des petites marches inattendues partout. Et la cuisine où il allait se fourrer dans les jupes de sa mère. Il était tendre et obéissant et il aimait travailler. Ça alors? Son père était bon musicien. L'archevêque l'avait à son service. C'est lui qui a été le maître de son fils. Dis donc, c'est pas drôle d'avoir le professeur de piano à la maison. Ah non, non. Lorsque Mozart était petit, c'est sur un clavecin et non sur un piano qu'il a commencé à jouer. Un clavecin? Oui, un clavecin. C'est un instrument dont les cordes sont pincées et non frappées par des marteaux comme sur un piano. C'est donc sur un clavecin qu'à 5 ans, le petit Wolfgang commença à composer des pièces simples comme par exemple cette pièce que moi je vais te jouer sur un piano. c'est mignon. Et après? Eh bien, bientôt, Wolfgang donnera des concerts avec sa sœur Marianne, qui elle aussi était une bonne claveciniste. D'ailleurs, le petit garçon jouait aussi du violon. Et voilà qu'un beau jour, le père, la mère et les deux enfants partent en voyage. De Bavière, ils passent en Suisse, de là en Belgique, on les voit ensuite à Paris, à Londres, en Hollande. Wolfgang est admiré par tout le monde, ce qui parfois le fait pleurer de rage. Pourquoi? C'est agréable d'avoir du succès. Oui, mais le petit Mozart souffrait d'être montré comme un singe savant. Est-ce qu'on ne peut pas entendre encore un peu de musique? Mais si, bien sûr. Écoute. C'est à ce moment-là que Mozart a composé cela? Non, plus tard. Entre-temps, il avait fait 3 autres voyages en Italie. Le pape l'avait décoré, il était membre d'une académie savante et pourtant il n'avait que 14 ans. Tiens, écoute maintenant la suite du menuet. C'est l'air que j'ai entendu d'abord, cela revient comme la première fois. On ne dit pas air, on dit thème. Thème? On n'est pas en classe de latin? Non, mais ça s'appelle tout de même un thème. En tout cas, tu viens d'entendre la partie du milieu, le trio du morceau que je t'avais fait écouter auparavant. Et ce morceau était un menuet, c'est-à-dire une danse. Comment est-ce qu'on le dansait? Ah, celui-là, on ne le dansait pas. Il fait partie d'une symphonie. Qu'est-ce qu'une symphonie? Oh, mais dis-donc Gérard, mais tu es une sorte d'interrogatoire vivant. Tiens, demande-le à ta mère. Maman, papa ne sait pas ce que c'est qu'une symphonie. Tu le sais, toi? Oui, mais moi je sais d'abord que tu es un petit garçon mal élevé. Et je sais aussi ce qu'est une symphonie. Dis-le, vois. Bien, c'est une œuvre qui se compose de plusieurs parties et que l'on joue à l'orchestre. Alors cette sérénade que tu as là, c'est une symphonie? Ah, non, une sérénade n'est pas une symphonie. Elle se compose généralement de beaucoup plus de mouvements, d'un caractère plus léger. Et c'est peut-être aussi une simple mélodie jouée ou chantée. Hafner, comme c'est drôle la sérénade Hafner. Mozart a écrit cette sérénade pour un riche commerçant de Salzbourg qui mariait sa fille. Cet homme fut pendant un certain temps maire de la ville et il s'appelait Hafner. Tiens, je vais lui faire entendre un mouvement de cette sérénade. Thank you. J'aime bien, mais on entend surtout un monsieur jouer du violon. Oui, c'est comme un petit concerto introduit dans ce morceau. Ah, je vois ce que tu veux me demander. Eh bien, un concerto est une œuvre écrite pour un ou plusieurs instruments avec accompagnement de l'orchestre. C'est amusant. Sur la pochette, ce monsieur Hafner a un numéro comme une auto. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu vois, Hafner K250. Mais ah. Non, mais non. Ce K est la première lettre de Köchel. C'est ainsi que s'appelait un admirateur de Mozart qui a fait le compte de toutes ses œuvres. Oui, plus de 600 œuvres. Et qui leur a donné des numéros. Il les a classés. Mais tu ne me dis plus rien des voyages de Mozart. Quand il était petit, il se promenait partout. Maintenant, c'est comme s'il restait toujours au même endroit. Non, pas tout à fait. Mais au fond, il ne demandait qu'à partir. Seulement, n'oublie pas qu'il était au service de l'archevêque. Qui n'aimait pas beaucoup sa musique, mais qui s'employait de son mieux pour l'empêcher de quitter Salzbourg. Enfin, il s'en est échappé tout de même. Une fois encore, il est parti avec sa mère pour Paris. À Paris, il a dû avoir encore plus de succès que la première fois. Ah, pas du tout. Oh non, pas du tout. Il a été malheureux, mal compris. Enfin, finalement, il a été obligé de quitter la France, plutôt qu'il ne pensait. Oui, tu sais, il était venu à Paris avec sa maman et elle y est morte. Pauvre Mozart. N'a-t-il rien composé pendant tout ce temps-là? Oh si, d'admirables œuvres pour le piano et pour l'orchestre. Tiens, écoute-moi ça. C'est le dernier mouvement d'une sonate et on l'appelle la marche turque. Turc? Pourquoi turc? Eh bien parce que tu vas y entendre comme des effets de tambour et de triangle que l'on employait dans ce temps-là dès qu'on voulait évoquer la Turquie, qui était très à la mode. C'est curieux, on dirait que l'on passe tout le temps de l'ombre à la lumière. Ah, ça c'est parce que ça passe souvent du mineur au majeur. Enfin, pour te terminer l'histoire de Mozart que papa et moi avons commencé à te raconter, Je te dirai encore qu'un jour, une vilaine querelle a éclaté entre Mozart et l'archevêque. Oui, Mozart quitte Salzbourg. Il s'installe à Vienne et là, il se marie. Au début, la vie lui semble bonne. Il compose ses plus beaux opéras et pendant 2 années de suite, ses plus beaux concertos pour piano. Et pendant ces années, il a été le grand pianiste à la mode. On l'applaudissait beaucoup? Oh oui, très fier, il envoyait à son père la liste de tous les personnages importants qui s'étaient inscrits pour assister à ses concerts. Mais tu sais, ça ne dura qu'un temps. Ensuite, ingrat et capricieux, le public de Vienne l'oubliera très vite, il sera de plus en plus seul. Et alors, il écrira des œuvres de plus en plus belles, comme par exemple Les Noces de Figaro et Don Giovanni, Don Juan, si tu préfères. C'est quoi Les Noces de Figaro? Ah, c'est un opéra, une pièce de théâtre entièrement en musique. Et si on lui faisait entendre l'ouverture de Don Juan? Ah oui? Une ouverture? Qu'est-ce que cela ouvre? Non, une ouverture dans un opéra, c'est une pièce d'introduction que l'orchestre joue avant que le rideau se lève, enfin, avant que tu entendes chanter. Voici Don Juan. Tu as entendu ces accords? sont à la fois majestueux et terrifiants, tu ne trouves pas? Et puis ces gammes, elles semblent annoncer une catastrophe. Eh bien, à la fin de l'opéra, lorsque la statue du commandeur... Mais je ne sais pas du tout ce qui se passe dans cette pièce. Oh, ça c'est bien difficile à raconter. Enfin, Don Giovanni, ou Don Juan, est un grand seigneur espagnol qui n'a ni pitié ni respect pour personne. Les plus belles femmes, les hommes les plus honorés ne lui inspirent que du mépris. Et figure-toi qu'une nuit, se trouvant dans un cimetière, il invite à souper, par forfanterie, la statue d'un vieillard qu'il avait tué en duel. Et voilà qu'à l'heure indiquée, la statue arrive vraiment, immense, pouvant à peine tenir dans l'embrasure de la porte. C'est alors que résonnent de nouveau à l'orchestre les accords et les gammes que je viens de jouer au piano. Il y a du suspense, comme dirait papa. Mais pourquoi chante-t-on en italien? Et parce qu'à ce moment-là, on pensait qu'aucune langue au monde ne se prêtait à l'opéra comme l'italien. Oui, mais ça n'était pas du tout l'avis de Mozart. Non, non, bien sûr. Il fallait bien qu'il se conforme à l'usage. Tout ce que Mozart a écrit à ce moment-là et les 4 ou 5 années précédentes, c'est d'une beauté. Je voudrais bien savoir pourquoi quelque chose de beau est beau. Ah, ça, on en parlera plus tard. Écoute, je vais te faire entendre une partie de la 40e symphonie. Mozart a écrit 40 symphonies? Oh, il en a écrit plus même. 52, selon les dernières recherches. Mais tu vois, les dernières symphonies, comme par exemple celle que tu vas entendre maintenant, sont si belles que même un grand et vieux maître comme Haydn en a été influencé. Thank you. Thank you. Hélas, Mozart était bien malheureux à ce moment-là. Il n'avait plus que 2 élèves, sa femme était souvent malade, et comme le public ne s'intéressait plus à lui, il ne donnait plus de concerts. Il était obligé de demander sans cesse de l'argent à ses amis. En même temps qu'un requiem, une messe des morts, il écrit la musique d'un conte, La Flûte enchantée. La pièce terminée, il tombe gravement malade. De son lit, il suivait en esprit la marche de la représentation. Il regardait l'heure et il disait « Ah, maintenant c'est le premier acte » ou « Maintenant c'est le moment où apparaît la reine de la nuit ». Oui, car dans cet opéra féerique, on peut voir, entourée d'étoiles, la reine de la nuit. Tiens, pour finir, je vais te faire entendre la scène où Papageno, un oiseleur vêtu de plumes de toutes les couleurs, comme un grand oiseau gentil attaqué par des esclaves noirs, les maîtrise grâce à des clochettes enchantées. Dès que les assaillants les entendent, ils s'immobilisent, puis au lieu de se ruer sur lui, ils commencent à danser. Schönes Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, dass die Ohren ihnen singen. Das klinget so herrlich, das klinget so schön, la la la la la la la la la la la la. Hier hab ich so etwas gehört und gesehen. La la la la la la la la la. Hier hab ich so etwas gehört und gesehen. La la la la la la la la la la. Laisse-moi te dire encore que Mozart est mort le surlendemain du soir où, de son lit, il suivait la représentation de la flûte enchantée. On ne sait même pas exactement quelle est sa vraie tombe. Tu vois, il avait 36 ans quand il est mort. Oh maman, j'aurais pensé que pour écrire des œuvres si nombreuses et aussi belles, il fallait vivre plus de 100 ans. Eh bien tu vois Gérard, pour un génie comme Mozart, le temps n'a pas la même signification que pour nous.